Section 22. De la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johann. La lecture, tome 2e. Section 22. La rêverie, par Sully Prudhomme, de l'Académie française. La rêverie est de courte durée, frêle plaisir que la raison défend. Elle est pareille à la bulle azurée qu'enfle une paille aux lèvres d'un enfant. La bulle éclot, de plus en plus ténue, elle se gonfle, oscille au moindre vent, puis, détachée, elle aspire à la nue, part et s'envole, et flotte en s'élevant. Elle voyage. Ainsi fait un beau rêve, sans autre but que de s'enfuir du sol. Une vapeur, un parfum la soulève, un rien l'entraîne ou ralentit son vol. Dans un nuage autrefois suspendu, elle voguait par l'éther en plein jour. Du ciel tombé, elle est au ciel rendue, elle remonte à son premier séjour. Et c'est pour elle un souverain délice, fille de l'air, moins pesante que lui, de l'explorer et, qu'elle plane ou glisse, de se fier à son subtil appui. Miroir limpide et mouvant, toutes choses y font tableaux passagers et tremblants. Les monts lointains et les prochaines roses et l'infini se mirent dans ses flancs. Sous le soleil dont tous les feux ensemble, en s'y doublant, s'y croisent ardemment, elles s'irisent et rayonnent et ressemblent à quelque énorme et léger diamant. Mais il suffit que près d'elles se joue une humble mouche, un flocon dans les airs, et soudain crève et tombe et devient boue la vagabonde où brillait l'univers. La rêverie est de courte durée, frêle plaisir que la raison défend. Elle est pareille à la bulle azurée qu'enfle une paille aux lèvres d'un enfant. Fin de la section 22.